Chapitre 11. Votre Honneur, puisque vous nous affirmez que rien ne vous tient plus à cœur que d'élucider le mystère de ces trois disparitions, qui en sont devenues quatre, j'en déduis que vous vous réjouissez de l'aide que deux investigateurs privés pourront vous apporter et que vous ferez donc tout ce qui est en votre pouvoir pour faciliter notre enquête. Le cabinet du juge était d'un faste ostentatoire. La finesse des marqueteries le disputait à celle des bronzes. Les pendules resplendissaient sur des meubles, secrétaires à cylindre ou bureaux mazarins, qui ne pouvaient être sortis que des ateliers de grands maîtres ébénistes. Les bordures de glace, les plafonds et les boiseries étaient aussi magnifiquement ouvragés que s'il se fût agi d'un cabinet royal. Et le large bureau ministre, derrière lequel le magistrat se tenait crânement dans un fauteuil Louis XV, était au moins aussi long qu'une table de billard. Quant au sourire infatué du dit magistrat, il en disait autant sur sa suffisance. « Sans vouloir vous offenser, mademoiselle, quel âge avez-vous? Et depuis combien de temps êtes-vous sur notre île ?»« J'ai l'âge auquel les facultés intellectuelles d'un être humain sont à leur sommet, votre honneur. Une étude récente tend à prouver que le déclin de la mémoire s'amorce aux environs de la 25e année. » Il y a fort longtemps pour vous, donc. Et la mémoire étant l'un des outils fondamentaux de l'investigation, il ne me reste plus guère que quelques mois, j'en conviens, pour être à l'apogée de mes capacités de déduction. C'est pourquoi nous devons faire vite. Quant à savoir depuis combien de temps je suis sur votre île, dois-je comprendre que, comme moi, vous pensez que la distance que j'entretiens avec elle est un atout majeur, garant de mon objectivité, et me mettant à l'abri de toute connivence avec d'éventuels suspects ? Edward Pierce, assis près de Mademoiselle Chapelle, lissa ses magnifiques moustaches pour tenter de cacher le rictus de délectation que lui inspirait l'effronterie de sa voisine. Faisant mine de regarder ailleurs, il en profita pour admirer une sculpture de bois représentant un apprenti tailleur de pierre qui, marteau et ciseaux en main, dégrossissait un rocher. Sur le socle de ladite statue, on avait gravé un emblème qui n'échappa point au détective féru de symbolisme. Une équerre et un compas entrecroisés. Il se demanda alors s'il était possible que ce juge fût initié au mystère de la franc-maçonnerie. Le matin même, de Devon Street, Edward avait justement cru apercevoir, au loin, un temple maçonnique aux dimensions impressionnantes. Pour sa part, le magistrat, ayant écouté la réplique de la jeune Française, se montra bien moins outré qu'il eût pu l'être et, à vrai dire, il parut aussi amusé que le détective. « Le tout est donc de savoir, mademoiselle, ce qui prime dans une affaire de justice, l'intelligence de la jeunesse ou l'expérience du vieux sage. Je vous accorde volontiers un don pour la première, mais laissez-moi vous faire profiter de la seconde. Vous êtes sur une île de 1000 habitants environ. Ici, tout le monde connaît au moins le cousin germain de quelqu'un, et ce depuis des générations. En revanche, comme en toute terre insulaire, on se méfie des étrangers. Il suffit de voir se dresser les trois forts militaires sur nos falaises pour mesurer combien la peur de l'invasion forge le caractère d'une communauté isolée par les flots. Lors, si charmante que soit votre pétulance toute parisienne, je me permets de vous mettre en garde contre les inimitiés qu'elle pourrait vous attirer. « Je ne suis pas venu chercher l'amitié, votre honneur, mais la trace d'une jeune femme disparue. »« Soit. Faites donc à votre guise. Et vous, monsieur, pouvez-vous me dire ce que vous faisiez ce matin chez le père Molloy ?»« Nous avions rendez-vous. »« Et l'avez-vous vu ?»« Eh bien non, puisqu'il a disparu. »« Pourtant, on vous a vu entrer chez lui. » insista le juge en levant un sourcil suspicieux. La porte était ouverte, mentit Edward, et la lumière allumée. Nous sommes suffisamment proches pour que je prisse la liberté de monter en espérant le trouver et lui faire une surprise. Malheureusement, il n'était pas là. Et vous êtes alors retourné à votre hôtel plutôt que de venir directement ici signaler sa disparition? Pardon, mais à ce stade, je n'avais pas conclu à une disparition, simplement à une absence. C'était évidemment un nouveau mensonge. Edward Pierce, qui s'était déjà fait lui aussi une petite idée de la qualité de la police locale, préférait garder sous silence le motif réel de son retour à l'hôtel, n'ayant pas la moindre intention de partager avec le juge les documents qu'il avait trouvés chez son ami. Rien n'indiquait qu'il eût été attaqué, ou même cambriolé. J'en ai déduit que la sérénité de votre île expliquait qu'on y laissa aisément porte ouverte et que le père Molloy devait être auprès de l'un de ses paroissiens. J'ai décidé d'attendre la fin de la messe à mon hôtel pour retourner le voir cet après-midi. Cependant, en arrivant ici, vous sembliez persuadé que le père Molloy avait disparu, rétorqua le magistrat avec l'air satisfait de celui qui croit vous avoir pris en défaut. Parce que vos éminents policiers ont eu l'amabilité de me l'apprendre sur le trajet, précisant qu'il ne s'était pas présenté à la messe. Le juge Gaudion soupira, peu convaincu. Il adressa au détective un regard entendu qui signifiait « Je n'insiste pas, mais je sais pertinemment que vous me prenez pour un imbécile. » « Quels sont vos liens avec lui ?»« Je crois pouvoir dire qu'il est mon meilleur ami, votre honneur, quand bien même son installation sur votre île l'an dernier nous a tenus trop longtemps éloignés l'un de l'autre. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre par laquelle il m'invitait à venir le visiter. Je me faisais un plaisir de le retrouver, plaisir auquel je me refuse à renoncer. Vous risquez donc, tant qu'il n'aura pas été satisfait, de me revoir aussi souvent que Mademoiselle Chapelle. « Oh, joie !» railla le juge. Lorraine sembla ne pas avoir entendu ce sarcasme, fort indélicat. En réalité, cela faisait un moment qu'elle observait, en silence, l'un des nombreux tableaux qui ornaient le bureau du juge. Non pas que l'œuvre fût d'un quelconque intérêt artistique, mais parce qu'elle représentait un homme dont la physionomie lui était familière, sans qu'elle eût pu dire pourquoi. Fidèle à ses habitudes, Mademoiselle Chapelle n'hésita pas à verbaliser ses pensées. « Cet homme me dit quelque chose, » annonça-t-elle en pointant le doigt vers la peinture, dans le dos du magistrat. Le juge se retourna. « Ah, naturellement, il s'agit de l'honorable Cornelius Walden, mon prédécesseur. »« Mais bien sûr !» s'exclama la jeune femme, faisant soudain le lien avec les traits du vieux lord. « Le père de Sir Ronald Walden ?»« Lui-même. Je vous l'ai dit à l'instant, Blackmore est une toute petite île. » Les grandes familles se comptent presque sur les doigts de deux mains. Tout le monde se connaît, mais tout le monde ne s'apprécie pas forcément. Auriez-vous quelque différend avec Sir Ronald Walden? Aucun. Son père a été l'un des plus éminents juges que notre île ait connu. Nommé en 1854 par la reine Victoria elle-même, alors qu'elle faisait un séjour remarqué sur Blackmore, il a conservé cette digne charge jusqu'à sa mort en 1901. C'est avec beaucoup d'humilité que je lui ai succédé. Voilà qui est bien dommage. Pardon? Eh bien, s'il était encore là, sans doute serait-il plus enclin à enquêter sur la disparition de son arrière-petite-fille que vous ne semblez l'être. Le juge secoua la tête, entre soupir et sourire. Je suis bien plus préoccupé par le sort de cette jeune femme que vous ne pouvez le croire, mademoiselle. Dans ce cas, si nous en venions à présent au seul sujet qui puisse rendre cet entretien un tant soit peu intéressant, les progrès de votre enquête au sujet des mystérieuses disparitions qui frappent les habitants de Blackmore. Le juge, se renfonçant dans son large fauteuil, écarta les bras d'un air impuissant. « Eh bien, comme vous le dites fort justement, elle demeure mystérieuse. » Aucun des trois individus qui ont disparu n'a laissé de traces, et personne n'a été témoin d'un enlèvement. Nos policiers ont procédé à de nombreux interrogatoires qui ne leur ont pas donné l'ombre du soupçon d'un début d'indice. À ce jour, la thèse la plus probable reste que ces individus ont tout bonnement décidé de quitter l'île, ce qui est leur droit le plus strict. Chacun est libre de quitter Blackmore, vous savez, même vous. Ces personnes n'auraient-elles point été vues à bord du SS Courir si elles avaient quitté l'île? Avez-vous seulement interrogé le capitaine, les matelots? Bien sûr. Aucune de ces trois personnes n'a été aperçue à bord. Mais il y a d'autres façons de quitter Blackmore, mademoiselle. Ne serait-ce qu'avec un bateau de plaisance. Mais si elles avaient vraiment quitté l'île de leur plein gré, comment expliquez-vous que leurs proches aient tous reçu le lendemain de chaque disparition une lettre similaire, anonyme et cryptée? Le juge ne put retenir une moue de surprise. Sans doute avait-il pensé que Mademoiselle Chapelle ignorait ce détail, qui était pourtant loin d'être anecdotique. Cela signifiait-il que l'histoire des lettres anonymes avait été passée sous silence? Nous n'avons pas été en mesure de décoder ces messages farfelus. Mais comme ils ont été envoyés après les disparitions et non avant, je suppose qu'ils sont seulement l'œuvre d'un mauvais plaisantin. Nous en comptons malheureusement quelques-uns dans notre communauté. Indéniablement. Votre honneur, intervint Pierce. Au nom de votre amour évident pour la justice, auriez-vous l'amabilité de nous laisser lire les rapports de police concernant les nombreux témoins que vous dites avoir entendus? C'eût été bien volontiers. Mais l'absence de témoignages concluants n'a pas justifié le moindre rapport écrit. Les policiers m'ont simplement fait un compte-rendu oral. Personne n'a rien vu. Lorraine secoua la tête. Pas de rapport d'enquête non plus, concernant les relevés d'empreintes, les fouilles approfondies des domiciles et les battues que, bien entendu, vous avez diligemment conduits. Le juge haussa les épaules. Mais dites-moi, votre honneur, vous êtes à la tête d'une véritable branche de Scotland Yard, un new Scotland Yard, pourrait-on dire. Vos hommes sont à la pointe de la criminologie. Ils devraient donner des cours dans les plus grandes facultés d'Europe et d'Amérique. Sachez, ironique demoiselle, que notre île a le plus faible taux de criminalité de l'archipel. En ce qui concerne le niveau de vos forces de l'ordre, le faible taux de criminalité en est plus probablement la cause que la conséquence. Allons, devant l'incapacité de vos policiers à résoudre ces mystères, ne devriez-vous pas envisager de faire appel aux enquêteurs du bailliage de Guernesey ? Un ricanement déforma le visage du magistrat. J'ai songé à le proposer à Sir Archie Glover, notre gouverneur, mais à présent que nous avons sur l'île deux éminents détectives venus l'un de France, l'autre d'Angleterre, cela ne me semble plus si opportun. Un tandem comme le vôtre devrait être en mesure de résoudre cette affaire en deux coups de cuir à peau, n'est-ce pas ? Lorraine et Edward échangèrent un regard perplexe. En vérité, cet entretien calamiteux ne leur avait certes apporté aucune réponse, mais il scellait leur collaboration. À cette minute précise, le sort avait fait de ces deux étonnants investigateurs un couple bien plus redoutable que le juge n'eût pu l'imaginer.